what is going on. We'll be right back.

ton bas des marches du. On se connaît dans ton bas des marches du. Hi, Doc. Thank you. Thank you. à toi, notre ami. Merci à toi. Merci à well, I loved it so much. Well, I loved it that we shared. Well, I loved it so by the way, when you feel that you belong, you feel like you must leave. It's a cool. Aïe, pas bon, pas bon. verdomme, wat heb je gongen, dat heb je verdomme, dat heb je verdomme, wat heb je gongen, dat heb je verdomme. Thank you. everyone. I think I need some more.